Hello, chef, c'est donc vrai, tu es parti. Parti, chef, parti sans faire de bruit. Un agneau au milieu des loups. À force, chef, à force de toucher le fond, ton poids, chef, ton poids t'a laissé. La mer emporte les fous. Un agneau au milieu des loups. Ouais, ouais, ouais. I don't know. De nous mettre dans le vent. Parti, chef, parti sans faire de bruit.